Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission au Tristan Bernard à Paris à partir du 26 août. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, nous vous proposons de réécouter l'histoire des Magdalene Sisters, du nom de ces milliers de jeunes femmes irlandaises enfermées de force dans des couvents, victimes du puritanisme de l'Église catholique. Le 25 mai 2018, l'Irlande a dit oui à l'avortement. Un référendum attendu, un moment historique. Plus de 50 ans après son voisin britannique, les femmes irlandaises ont désormais le droit de choisir. Et dire une fois pour toutes non au poids d'une religion conservatrice et rétrograde. Depuis toujours, elles en étaient les premières victimes. Le calvaire des Magdalene Sisters en témoigne. De 1922 à 1996, la très catholique Irlande bannit dans des institutions religieuses appelées Magdalene Homes près de 10 000 femmes, considérées comme perdues, dangereuses, immorales. Ce sont des orphelines, des jeunes filles violées, des adolescentes rebelles, les mères célibataires. Abandonnées des leurs, rejetées par la société tout entière, elles sont contraintes de travailler gratuitement dans d'immenses blanchisseries. Des esclaves en robe brune, payant de plusieurs années, parfois une vie de réclusion, le fruit de leur péché. Pendant plus de 70 ans, l'Irlande ferme les yeux sur ce drame. Les Magdalene Sisters, elles, gardent le silence, meurtries par la honte. À la fin des années 90, alors que le pays se modernise de façon spectaculaire, quelques courageuses osent enfin parler. Voici leur histoire. Notre invitée aujourd'hui, l'historienne Nathalie Seban, maîtresse de conférences en civilisation britannique et études irlandaises à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris-Trois. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Margot Pinel, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacoboviez et Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Irlande, 1949. Angela a 15 ans lorsqu'elle tombe enceinte. Et à vrai dire, elle sait à peine ce que cela signifie. Elle n'a vu ce garçon qu'une seule fois, un premier baiser, puis tout est allé si vite. Les nausées, l'absence des règles, le corps qui change. « Je crois que tu vas avoir un enfant », lui annonce sa mère, bouleversée. Mais les larmes laissent place à la colère de son père, puis à la honte. Dans cette Irlande rurale, façonnée par le catholicisme, un enfant hors mariage est un sacrilège. Selon l'Église, le sacrement est le seul cadre légitime de la sexualité et de la procréation. C'est aussi une malédiction. Car tout le système social repose alors sur la communauté villageoise, une petite unité où tout le monde se connaît, où tout se sait et où tout se colporte vraies et fausses informations. L'honneur familial doit être préservé à tout prix. Non, personne ne doit apprendre la grossesse d'Angela. Si ce n'est le prêtre, guide spirituel, moral et politique, lui seul peut remettre la jeune fille dans les trois chemins de l'Église. Condamnée par une justice informelle et donc illégitime, la sentence est sans appel. L'adolescente, devenue une fille-mère, selon l'expression consacrée, doit être éloignée, placée dans un endroit où l'on est sûr de l'oublier. Noël 1949. Angela sait à présent qu'il ne lui reste plus que quelques heures à passer auprès de sa famille. Dans sa robe des grands jours, entre les cantiques et le dessert, elle pleure sans arrêt. Ses frères et ses sœurs s'inquiètent, la questionnent, mais ils ne doivent rien savoir. Demain à l'aube, elle partira sans se retourner. Leur mère leur dira qu'Angela a trouvé du travail ailleurs, loin, oui, trop loin pour aller la voir. Dans le documentaire « Les blanchisseuses de Magdalene », réalisé en 1999 par Christophe Weber et produit par Sunset Press et France 3, Angela, alors âgée de 65 ans, revient sur ce douloureux départ. J'ai été arrachée de ma maison au petit matin, mais il faisait encore nuit. On m'a amenée chez le prêtre qui devait m'accompagner dans ce foyer pour mères célibataires. Ma mère est venue avec nous. Ce fut un long voyage. J'étais vraiment bouleversée. Je ne savais pas où j'allais, ce qui allait m'arriver, et j'avais très peur en fait. Quand nous sommes arrivés à cet endroit, on nous a présentés aux sœurs. C'était un couvent, le couvent du Sacré-Cœur. Nous avons pris le thé avec la révérende mère, et après, j'ai dû dire au revoir à ma mère. On m'a laissé là, dans un endroit totalement étranger. Situé dans le comté de Cork, au sud-ouest de l'Irlande, le couvent du Sacré-Cœur a triste allure. Une grande bâtisse de briques rouges et de pierres grises, entourée d'arbres nus, recouverts de neige. Il s'agit en réalité d'un Mother and Baby Home, un établissement religieux spécialisé dans l'accueil des mères célibataires. Construit à partir de 1904, il existe 9 établissements de ce type répartis sur l'île. En lieu et place de l'État, les religieuses jouent alors un rôle fondamental dans la société. L'éducation, la rééducation et la santé leur sont confiées à un précaré défendu avec intransigeance. Entre les quatre murs du couvent du Sacré-Cœur, Angela entre ici en réclusion. Prier, travailler, dormir, voilà désormais son quotidien partagé avec près de 200 filles mères, des adolescentes comme elle, et leurs nourrissons martyrs de l'intolérance et de l'inhumanité de l'Église catholique. À l'abri des regards, dans un silence monacal, Angela attend son accouchement. Une délivrance vécue en réalité comme un ultime châtiment. Car pour expier ses péchés, il lui faudra accoucher dans la douleur. Aucun cri, aucune plainte n'est tolérée par les religieuses pendant le travail. Sauf cas extrême, elle ne recevra aucun soin, et quand bien même, il sera sûrement trop tard pour la mère ou pour l'enfant. Malgré les blâmes et les souffrances endurées, Angela se souvient avec émotion de la naissance de Christopher, un jour d'automne 1950. Je n'arrivais pas à croire qu'il y ait autant de jolies jeunes femmes ici et tous ces adorables enfants. C'était une terrible honte pour votre famille et les nonnes nous répétaient sans arrêt que nous étions là pour faire pénitence, pour notre péché. Mais quand j'ai eu mon bébé, c'était merveilleux. Je ne réalisais pas que j'avais passé par autant de souffrances, mais c'était un enfant superbe. J'étais persuadée que mes parents reviendraient sur leur décision et qu'ils viendraient nous voir, nous ramèneraient à la maison. Mais ils ne l'ont jamais fait. Comme toutes les autres mères célibataires, Angela sait depuis le départ qu'elle ne gardera pas son enfant. À son arrivée au couvent, auprès de la révérende mère, elle a signé un contrat. Un contrat qui lui oblige de promettre de ne jamais chercher à retrouver son bébé. Nourri et choyé pendant plus d'un an, Christopher lui est arraché des mains un beau matin, emporté par les sœurs. Oui, comme ça, sans autre forme de procès. Pour celle qui a déjà tout perdu, c'est une terrible déchirure. Que va devenir son enfant, la chair de sa chair ? Sera-t-il confié à une famille d'accueil, adopté ou bien placé dans un orphelinat ? Angela l'ignore. Pour le reste, elle peut désormais sortir du couvent, oui. Mais la liberté a un coût, 100 livres, une somme considérable à l'époque, qu'elle ne peut pas payer. Alors, pour s'acquitter de sa dette, elle devra travailler pour l'Église. 5, 10 ou 20 ans, il n'y a pas de règle, c'est au bon vouloir des religieuses. Certaines victimes n'en sont jamais sorties. Un système digne des pires régimes, le régime de l'arbitraire. Perdue pour les siens, précipitée dans les abîmes, Angela rejoint le destin de milliers d'autres jeunes filles irlandaises, désignées comme parias par tout un pays complice, cloîtrées dans des couvents-prisons. Certains sont baptisés Magdalene Home, des foyers pour Marie-Madeleine, dirigés par 4 congrégations, dont les Sœurs de la Miséricorde et les Sœurs du Bon Pasteur. Du nom de la prostituée repentie et pardonnée par Jésus dans la tradition catholique, les premiers couvents de Marie-Madeleine apparaissent en Irlande au XIXe siècle. Ils sont créés pour aider et héberger les filles dites « perdues »,« fallen women » en anglais. Désignant d'abord les prostituées, ce terme prend une acceptation plus large à mesure que le pouvoir de l'Église se renforce. Après la déclaration d'indépendance de l'Irlande du Sud en 1921, le catholicisme devient religion d'État et contrôle par le biais de ses multiples institutions les bonnes mœurs de ses fidèles. En 1922, on compte en Irlande 10 couvents de Marie-Madeleine, dont 4 à Dublin, en plein cœur de la capitale. Là, aux côtés de prétendues prostituées, vivent et travaillent des milliers d'orphelines, faibles d'esprit, jeunes filles violées, enfants illégitimes ou simples adolescentes rebelles, trop aguicheuses, trop jolies. La majorité d'entre elles sont des filles mères, comme Angela. Au cours du XXe siècle, on estime qu'environ 10 000 femmes sont passées par le Magdalen Homes, 30 000 toutes institutions confondues, un chiffre considérable dans un pays qui compte 3,5 millions d'habitants. L'enfer commence par une privation d'identité. À leur arrivée au couvent, les nouvelles pensionnaires doivent abandonner leur prénom remplacé par celui d'une sainte. Elles laissent aussi derrière elles leur tenue de ville, leurs effets personnels et tous les atours de leur féminité. Une première épreuve traumatisante pour ces jeunes adolescentes. En moyenne, elles y entrent à 14 ans. Dans le documentaire « Sex in a Cold Climate », réalisé par Steve Humphries en 1998, Christina, Martha et Phyllis, trois anciennes Magdalènes, racontent leur arrivée. Je crois que j'étais en train de devenir folle. Full of breast milk. J'avais les seins remplis de lait. Je ne savais pas comment l'expliquer aux nonnes et je sentais la fièvre partout en moi. J'étais malade. Je suis allée à l'infirmerie pendant une semaine environ. Et quand je suis sortie, on m'a confisqué mes vêtements et j'ai dû mettre ce vieux truc épais et marron. Elles m'ont enlevé mes vêtements et elles m'ont donné cette horrible et triste blouse. C'était informe. Elles voulaient nous rendre aussi laides que possible. Elle m'a dit que je devais me couper les cheveux parce qu'ils étaient longs et que ce n'était pas autorisé. Pourtant, je les avais joliment attachés en queue de cheval et je voulais les garder longs. Je crois que j'ai commencé à pleurer, mais on m'a quand même coupé les cheveux courts au niveau des oreilles. Revêtues de l'habit de chasteté, les jeunes filles découvrent ce qui se cache à l'arrière des couvents, d'immenses ateliers de blanchisserie. Si Marie-Madeleine dut laver les pieds du Christ en signe de pénitence, les pensionnaires doivent laver le linge sale des prisons, des écoles, des hôtels ou encore du clergé. 10 à 12 heures par jour, 6 jours sur 7, 52 semaines par an. Les Magdalen Homes sont en réalité de véritables usines où les patronnes portent de longues robes noires et des coiffes à cornettes. Le Christ pardonne, les religieuses, non. Les pensionnaires sont totalement coupés du monde. Pas de journaux, pas de radio, aucun livre, si ce n'est la Bible. Pour celles qui ont eu la chance d'en recevoir, le courrier est lu, censuré par les nonnes. Les rares visites sont surveillées, parfois découragées, souvent interdites. Alors, la plupart des filles perdent pour toujours le contact avec leur famille. La vie est réduite à peau de chagrin entre la prière et les machines à laver. Dans le documentaire « Les blanchisseuses de Magdalen », Mary raconte leurs terribles conditions de travail. L'été dans la blanchisserie, c'était comme dans le désert, tellement il faisait chaud. L'hiver, on avait des engelures sur les mains à force de manipuler les draps gelés. Il y avait une religieuse avec nous. Elle n'était pas trop méchante, mais elle était là à nous surveiller tout le temps. Elle ne travaillait pas, son boulot c'était de nous surveiller. En plus, il y avait des femmes plus âgées qui étaient là depuis des années, qui mouchardaient si on parlait trop longtemps à une fille. Et si on parlait trop longtemps à quelqu'un, le lendemain, on nous changeait de salle. Dans les couvents, le droit du travail irlandais ne s'applique pas, évidemment. Les pensionnaires travaillent gratuitement, alors même que la plupart des Magdalen Homes font d'importants bénéfices. De pécheresses, les femmes sont réduites au rang d'esclaves, enfermées à clé à l'atelier comme au dortoir. Désobéir, elles sont rouées de coups. Fuir, mais avec quelle aide, quel argent ? Livrées à l'arbitraire tyrannique des religieuses, brimées, humiliées quotidiennement, certaines deviennent folles ou se suicident. D'autres, convaincues de leur culpabilité, finissent par prononcer leurs vœux. C'est la force diabolique des dictatures, faire naître la résignation à force de douleur. La plupart de Magdalene pourront sortir de leur prison au bout de quelques années de pénitence, oui, mais brisées par le sadisme de l'Église, marquées par le sceau de la honte. L'avènement de la société de consommation sera leur salut. Dans les années 70, la machine à laver apparaît dans les foyers irlandais et concurrence les blanchisseries Magdalene. En parallèle, le Concile Vatican II adoucit les mœurs de l'Église. Moins d'activités, moins de pécheresses, les unes après les autres, les Magdalene Homes ferment leurs portes, réaménagées en maisons de retraite ou laissées à l'abandon. La dernière d'entre elles, située à Dublin, ferme ses portes en octobre 1996. Alors, comment l'Irlande a-t-elle pu laisser faire ça? Qui savait? Jusqu'à la fin du XXe siècle, dans une Irlande corsetée par la religion et le rejet du sexe dont il est une composante, les Magdalene Homes sont largement acceptées. Elles entrent même dans le langage courant. Les pensionnaires sont surnommées les Maggies, des mauvaises filles qui font les meilleurs draps, selon le proverbe. Et on menace les petites filles passages de les envoyer aux blanchisseries avec les sœurs. Peu en revanche savent ce qui se passe réellement derrière ces hauts murs de pierre. Car les anciennes Magdalene se taisent, oui, le silence plutôt que la honte. Dans les années 90, le boom économique irlandais entraîne une spectaculaire modernisation du pays. L'île pauvre de l'Europe devient le tigre celtique, et le pouvoir financier remplace peu à peu celui de l'Église. C'est en 1993 qu'éclate le premier scandale des blanchisseries Magdalene. Les sœurs de Notre-Dame de la Charité de Dublin vendent leur couvent à un promoteur immobilier. Sous les coups de pelleteuse, ils découvrent une fosse commune. Les corps de 155 pensionnaires de la blanchisserie sont exhumés. 22 d'entre eux ne figurent sur aucun registre. L'indignation est nationale. Mais l'État se défile, mal à l'aise. Officiellement, les blanchisseries étaient des institutions privées et les femmes des volontaires. En 1998, un documentaire télévisé leur donne enfin la parole. Sex in a Cold Climate, réalisé par Steve Humphries. Pour la première fois, d'anciennes pensionnaires dénoncent ouvertement les abus sexuels, psychologiques et physiques. Mais c'est comme souvent le cinéma qui les fait connaître du monde entier. En 2002, les Magdalene Sisters, réalisés par l'Écossais Peter Mullan, remportent le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Salué par la critique internationale et succès au box-office, le film déclenche les foudres du Vatican. Provocation pleine de colère et de rancœur, œuvre infâme et calomniatrice, dit le Vatican. Le temps de l'autocritique est encore loin. Résultat de ce raffut de bénitier, les journalistes s'emparent de l'affaire et recueillent de multiples témoignages. En Irlande, le clergé fait profil bas. Déjà fragilisé par le scandale des abus sexuels dans le clergé, il faut étouffer cette nouvelle affaire. Mais au micro de France Inter, le réalisateur Peter Mullan y voit une autre explication. L'argent, ça peut leur coûter beaucoup d'argent. À ma connaissance, en ce qui concerne l'attitude de l'Église pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu de demande de compensation financière. Ce n'était pas là le sujet. En revanche, on voit qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a un tas de poursuites judiciaires contre l'Église pour des cas d'abus. Ils ont dû réaliser ou craindre que le nombre de femmes qui ont survécu au Magdalene Homes et qui auraient largement de quoi constituer des dossiers en vue de poursuites soit beaucoup plus important que tout ce qu'on peut imaginer. Alors que l'ironie de la situation, c'est que la plupart des femmes que moi j'ai rencontrées ne veulent pas d'argent. Elles veulent des regrets, des excuses sincères de l'Église, des excuses personnelles. Elles ont envie de retourner à l'Église et de faire la paix avec Dieu. Après le film, la commission d'enquête sur la violence faite aux enfants, surnommée la commission Ryan, intègre un chapitre sur les Magdalene Homes. Pendant 9 ans, elle examine 2500 plaintes pour abus sexuels ou maltraitance physique. Elle auditionne près de 1000 victimes et elle étudie de manière approfondie le fonctionnement de plus de 200 écoles, couvents, maisons de redressement et autres orphelinats. Le 5 février 2013, l'État irlandais reconnaît officiellement sa responsabilité dans l'asservissement de plus de 10 000 Magdalene, enfermées entre 1922 et 1996, 74 ans de sévices. Pour les victimes, cette déclaration est une première victoire. Elle ouvre enfin la voie aux compensations financières. Un an plus tard, un nouveau scandale éclate et répond partiellement à cette question laissée en suspens. Que sont devenus ces milliers d'enfants illégitimes arrachés par l'Église irlandaise aux mères célibataires ? Il est 7h37, l'horreur dans un ancien couvent catholique en Irlande, la découverte de près de 800 squelettes de bébés et d'enfants. Et c'est l'histoire de ces filles perdues, de ces filles mères d'il y a 50 ans. On les a vues dans les films Magdalene Sisters ou plus récemment Philomena. Et voilà la réalité de plein fouet avec cette fosse découverte à Tuam dans l'ouest du pays. Sur place, le reportage signé Sébastien Baer. L'institution avait été baptisée The Home, la maison, mais l'endroit n'avait vraiment rien d'un havre de paix. À l'intérieur, on cachait les femmes perdues, ces mères enceintes sans être mariées. De ce couvent qui a fermé ses portes en 1961, il ne reste plus grand-chose. À la place, une aire de jeu et un carré de gazon, juste à l'endroit où l'historienne Catherine Corless a établi la présence de 796 petits squelettes. Quand j'ai découvert ça, j'ai été bouleversée. J'arrivais pas à y croire. Les rapports de 1947 évoquent des enfants décharnés, avec seulement la peau sur les os. Le pire, c'était dans les années 40. Chaque semaine, il y avait au moins un enfant ou un bébé qui mourait. Les enfants sont morts de maladie et parfois de maltraitance. Dans la très catholique Irlande, tomber enceinte hors mariage était l'ultime péché et personne ne s'est intéressé au sort des enfants et de leur mère, raconte une habitante, Teresa Kelly. Personne n'en parlait, personne ne s'intéressait à elles, ni leurs parents, ni leurs proches. Avoir un enfant hors mariage était une honte et ces femmes n'étaient plus vraiment considérées comme des êtres humains. Donc il y avait un secret derrière tout ça. De façon tacite, personne n'abordait le sujet. L'Église catholique a fait un timide mea culpa souhaitant que la fosse commune devienne un lieu de mémoire. Une plaque commémorative sera bientôt apposée pour redonner une identité à ces enfants fantômes. Tuam est une petite ville du nord-ouest de l'Irlande, bourgade isolée du Connemara. Au fond de l'aire de jeu de la ville, il y a une Vierge Marie et cette inscription à la mémoire de tous ceux qui sont enterrés ici. Elle date de 1975. À l'époque, la destruction de l'orphelinat catholique du Bon Secours met au jour une fosse commune. Des milliers d'ossements humains attribués sans investigation victimes de la grande famine des années 1840. Et puis voilà, le trou est rebouché, le prêtre bénit le site et les riverains créent un jardin du souvenir. Quarante ans plus tard, en 2014, Catherine Corless, passionnée d'histoire locale, décide de retourner sur les lieux. Qui est réellement enterré ici? Elle s'intéresse à l'orphelinat catholique du Bon Secours, fermé en 1961, et qui occupait auparavant le site. Petite fille de pays, elle se souvient de ces jeunes pensionnaires, ombres tristes, qui marchaient en rang dans les rues de Tuam. À l'école, ces enfants sont montrés du doigt, exclus, confinés au fond de la classe, victimes du lavage de cerveau de l'institution catholique sur une population qui n'a pas d'autre repère. Certains de ces gosses disparaissent du jour au lendemain, sans explication. Dans toutes ces institutions, le taux de mortalité est effrayant. Malnutrition, épidémie infantile, tuberculose, rougeole, un enfant sur trois meurt avant son premier anniversaire. Catherine Corless demande à consulter les registres de l'orphelinat de Tuam. Dans l'émission The Late Show, diffusée sur RTN One en juin 2014, elle raconte sa découverte. J'ai demandé à l'orphelinat s'ils avaient les registres des enfants décédés ici. Et j'ai pu avoir 798 actes de décès d'enfants morts dans l'orphelinat. Quel âge avait-il? Ça allait de quelques jours à 3 ans. Le plus âgé avait 8 ans. Et comment sont morts ces enfants? Il y avait de nombreuses raisons, beaucoup de rougeole, de coqueluche, la diphtérie, la gastro-entérite et beaucoup d'autres choses. L'un d'entre eux avait une plaie sur la hanche, un autre une laryngite. Je ne sais pas, c'était un peu étrange. Donc, il y avait 800 enfants inscrits comme morts, mais aucun n'a été enterré. Non, aucune trace d'enterrement. Que s'est-il passé? Eh bien, c'est la question que je me pose. Le scandale de l'orphelinat de Tuam déclenche un haut-le-cœur national et devient rapidement une affaire d'État. Les bébés morts d'Irlande font la une des journaux du monde entier. Catherine Corless, elle, reçoit une centaine de lettres de la part d'anciennes pensionnaires des Magdalen Homes, internées de force. Parmi les 796 bébés exhumés, nombreux sont sûrement les leurs. En Irlande, la boîte de Pandore est ouverte. Acculé par son passé, le pays s'engage dans une importante phase d'autocritique. Le chef du gouvernement, Enda Kenny, et l'archevêque de Dublin annoncent la création d'une commission d'enquête indépendante, non pour poursuivre d'éventuels responsables, mais pour accomplir, je cite, « un travail salutaire d'introspection collective ». Malgré cette bonne volonté affichée, de nombreuses zones d'ombre persistent. Car si certains enfants illégitimes finissent à l'orphelinat ou dans la fosse commune, d'autres sont adoptés par des familles étrangères. Entre 1949 et 1973, un trafic d'êtres humains se serait mis alors en place entre les religieuses et les organismes d'adoption. Selon le journaliste Mike Mellott, auteur du livre Banished Babies, 2100 nourrissons de mères célibataires auraient été vendus aux États-Unis. Finalement, l'exploitation des filles-mères irlandaises va bien au-delà de leur force de travail. Le fruit de leurs entrailles profite lui aussi aux institutions religieuses. Alors, des décennies après leur sortie du couvent, d'anciennes Magdalen se lancent à la recherche de leur enfant volé. Angela, dont vous avez entendu l'histoire en début de récit, n'a jamais retrouvé Christopher. Elle a suivi sa trace aux États-Unis, elle la perd dans le New Jersey. Il fait toujours partie de ma vie. Vraiment. Maintenant que je vieillis, et sans doute à cause de ça, j'ai besoin de savoir. Je ressens le besoin de savoir quelque chose. Est-il marié? A-t-il des enfants? Quel travail fait-il? Et s'il est marié, a-t-il été un bon mari et un bon père? Des choses comme ça. À sa sortie du couvent, Angela est retournée auprès de sa famille. Il lui faudra de nombreuses années pour pardonner à ses parents de l'avoir bannie alors qu'elle n'avait pas 15 ans. Bourré de remords, ils expliquent que tout ça, eh bien, c'est de la faute du camp, dira-t-on. D'autres Magdalens n'ont pas eu la chance de retrouver une famille, orpheline, adolescente, rejetée, oubliée dès lors. Elles ne sont jamais sorties des blanchisseries. En 1998, 2 ans après la fermeture de la dernière Magdalen Homes, elles y sont encore. À Dublin, sur Gloucester Street, de vieilles Irlandaises aux épaules voûtées continuent de hanter les lieux. Elles ont entre 60 et 80 ans, une quarantaine de mères célibataires qui ne savent où aller. Toute leur vie, elles l'ont passée entre les presses à vapeur et les messes. Des années à expier leurs péchés. Elles n'ont jamais fait à manger, jamais eu d'argent, jamais vécu avec un homme. Depuis les années 70, elles sont libres de partir, certes, mais pourquoi faire? Marginalisée depuis 40 ans, comment pourrait-elle s'en sortir? Alors, elle reste ici, dans ce vieux couvent de briques rouges, transformé à l'occasion en maison de retraite. Elles sortiront seulement le jour de leur enterrement. Au moins, je suis sûr que quelqu'un priera pour moi, dit l'une d'entre elles, qui croit toujours en Dieu, ce qui manifestement n'est pas réciproque. Ce qui a réellement changé, c'est qu'elles partagent aujourd'hui le quotidien des religieuses, mais d'égal à égal. Les anciennes matones sont devenues leurs compagnes d'infortune, unies dans la vieillesse. Pénitence, isolement et blanchisserie ne sont plus à l'ordre du jour. Dans le documentaire Les Blanchisseuses de Magdalen, une ancienne mère supérieure, Sœur Teresa, revient sur ces tristes années. Nous ne comprenions pas la profondeur de leur douleur. Mais il y a une chose que nous avons toujours dit. On a plus péché contre elles qu'elles n'avaient péché. Autrement dit, elles étaient les victimes des péchés des autres. Nous les avons toujours considérées ainsi. Mais je regretterais toujours que nous ayons manqué de compassion. Si on se réfère aux évangiles, nous voyons que Jésus était plein de compassion. Donc j'aurais des regrets pour toutes les fois où j'ai pu manquer de compassion. Et j'en ai souvent manqué, par moments. Mais je ne suis pas le Christ. Le Seigneur sait ce que nous avons fait ou pas. C'est comme ça. Lui seul connaît la vérité. Alors, peu importe ce que racontent les médias, nous n'avons pas à nous défendre. Parce que Dieu sait. Si les religieuses préfèrent attendre le jugement dernier, le travail des historiens reste à faire. Des milliers de documents sont toujours classés confidentiels. Et des questions et des tabous demeurent. Combien se sont suicidés dans le silence de ces couvents avant d'être enterrés anonymement dans les fosses communes? Combien sont devenues folles? Quelles sommes ont-elles fait gagner à l'Église? Et puis, quels sont les autres pays concernés par ce scandale encore couvert par le témoignage du Vatican et surtout le silence du Vatican? Et comment les préceptes de l'Église catholique ont-ils réussi à s'immiscer jusque dans le cœur des religieuses devenues tortionnaires? Pour l'heure, l'histoire des Magdalen Sisters ne repose que sur des témoignages. Alors, les quelques dernières survivantes, regroupées au sein de l'association Justice for Magdalens, continuent de se réunir et tentent inlassablement d'interpeller les autorités politiques et religieuses. Car il s'agit bien de rendre enfin leur nom aux 10 000 Magdalen Sisters, enfermées de force par l'Église catholique irlandaise pendant 70 ans. All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. Begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les Magdalen Sisters, dont nous allons parler avec notre invitée, l'historienne Nathalie Seban. Bonjour. Bonjour. Le 25 mai 2018, donc référendum pour la libéralisation de l'avortement, le oui l'emporte, c'est historique, hein, pour supprimer ce fameux 8e amendement qui définissait l'avortement comme illégal, passible de 14 ans de prison. Est-ce qu'il y avait un risque réel que le non l'emporte ? Jusqu'à la dernière minute, rien n'était joué. Puisque les sondages finalement donnaient le camp des pro-choix et des pro-vie au coude à coude. Et je pense que même en Irlande, et même les gens qui ont fait campagne pour, ne s'attendaient pas à une telle victoire. Mais c'était visiblement une véritable méconnaissance de l'évolution de la société irlandaise au cours des 10-15 dernières années. D'autant plus, et peut-être d'ailleurs, que ce oui signifie plus une liberté des mœurs, une liberté pour les femmes, une compréhension de la modernité, une vraie démocratisation des coutumes. C'est peut-être ça que montre ce oui au-delà de l'avortement. En effet, et c'est également la fin de ce qu'on pourrait appeler l'Irlande cléricale. Oui. Pas tant l'Irlande catholique, mais l'Irlande cléricale, où les citoyens refusent que l'Église continue à leur dicter leur conduite et interviennent dans le cadre de ce qu'ils considèrent comme leurs libertés individuelles. Et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, finalement, pour arriver à ce résultat et cette victoire du oui? À mon sens, la dépénalisation de l'avortement est l'aboutissement d'un processus de libération de la parole dans le pays qui a commencé lorsque des Irlandais et des Irlandaises ont commencé à raconter notamment les maltraitances subies au sein des institutions comme les Magdalene Laundries, gérées par les congrégations religieuses. Et une fois cette parole libérée, si vous voulez, les citoyens se sont mis à raconter. Les analyses ont montré que le facteur qui a eu la plus grande influence sur le choix des électeurs a précisément été les histoires et expériences individuelles qu'ils ou elles ont entendues, lues ou vues dans les médias ou autour d'eux. Alors, symbole de la lutte pour le droit à l'avortement en Irlande, alors c'est une histoire parmi d'autres, elle est quand même un symbole, le cas de Savita Alappanavar, mm-hmm. C'est une jeune dentiste indienne de 31 ans, morte le 28 octobre 2012 dans un hôpital de Galway, donc c'est dans le Connemara. Elle était jeune mariée, enceinte pour la première fois. Au cours du quatrième mois, de fortes douleurs la conduisent à l'hôpital. Les médecins lui confirment qu'elle est en train de faire une fausse couche. Nous sommes là le 21 octobre. Pendant une semaine, avec son mari, elle supplie les médecins de pratiquer un avortement. Ils refusent et ils disent simplement « la loi nous l'interdit ». Or, une semaine plus tard, atteinte de septicémie, Savita meurt. Ce genre d'histoire qui a été racontée sur la place publique, ça a pu déclencher aussi quelque chose. Mais complètement, ça a complètement relancé le débat et ça a déclenché la campagne pour l'abrogation du 8e amendement, Repeal the 8th. Et c'est à partir de ce moment-là que la société civile s'est mobilisée et a fait pression sur les autorités politiques. Et coup de chance, il y a eu un gouvernement qui, pour une fois, a pris ses responsabilités et s'est engagé par l'intermédiaire du nouveau Premier ministre, Leo Varadkar, mais surtout du jeune ministre de la Santé, Simon Harris. En France, lors du débat pour la légalisation de l'avortement, en 74 et 75, Simone Veil, qui portait ce projet de loi, avait mis en avant justement le danger pour les femmes de mourir dans des avortements illégaux. C'était vraiment, je crois d'ailleurs que ça a été la pierre angulaire de la loi. Donc c'est la même chose en Irlande. Ça a été en partie la même chose. Mais la campagne pour l'abrogation du 8e a été également menée sur le front du féminisme et des groupes féministes. Et on s'est demandé pendant un moment si ça allait pas être contre-productif. On se demandait si la société irlandaise était mûre, et d'ailleurs Alva Smith, qui est la responsable de la campagne, l'a dit elle-même, est-ce que la société irlandaise est mûre pour entendre le discours féministe ? Visiblement, elle était plus que mûre pour entendre ce discours, qui allait, effectivement, un discours féministe qui allait au-delà des femmes, mais qui allait vers simplement la libération et la libéralisation de la conduite des affaires des individus. Et qu'est-ce qu'en pensent les hommes ? Mais les hommes ont voté à 60% pour le 8e amendement. Et les femmes à 70%. C'est spectaculaire. On entendait des reportages, je regardais des émissions à la télé, où on voyait des hommes de 70 ans qui disaient « Mais moi je vote pour ce que ma femme n'a pas eu, pour ce que ma fille n'a pas eu et pour ce que ma petite fille pourra avoir. » On se retrouve dans 3 minutes, Nathalie Soban, après avoir écouté « La vie de mes sœurs » par Thousand. Dans de nombreux bras, de nombreuses fleurs, j'ai vu par les yeux de mes sœurs. Là-bas que vois-tu venir dans l'ombre? Aujourd'hui ton corps et demain le monde. Souviens-toi du jour où le rêve est mort, moi. Piégé dans la nuit, j'en rêve encore. J'ai lu l'avenir du monde dans ton regard. Je jure sur la tête Robert Ménard. Un jour s'est levé, t'as jamais rappelé. Je me demande encore ce que Jésus aurait fait. Peut-être que tu savais très bien où t'allais. Toi et l'engin et l'aveugle à ses pieds. T'inquiète pas pour moi, je t'ai vu en rêve. J'ai eu tout ce que j'ai voulu, tout ce qui aurait pu être. Aujourd'hui comme hier, une vie passée à perdre. Souviens-toi Michniak, tous les disques sont de la merde. Dans de nombreux bras, de nombreuses fleurs, j'ai vu par les yeux de mes sœurs. Là-bas que vois-tu venir dans l'ombre? et demain le monde. Dans de nombreuses voix, de nombreux cœurs, j'ai vu sur la vie mes sœurs. J'ai lu l'avenir du monde dans ton regard. Je jure sur la tête de Robert Ménard. J'ai pas peur de mourir comme Pharaon. Le corps, la figure enfouie dans les ronces. J'ai passé ma vie à entrer dans un rêve. Mais toi enfant, tout ce que tu verras est vrai. Toutes les nuits je revis le commencement. Mais aujourd'hui avec toi j'y suis vraiment. Montre-moi ce qui se cache derrière les pétales. Conduis-moi dans le tunnel végétal. Dalila dans les yeux crevés du nazir. Piégé à jamais l'image de ton sourire. En lui ôtant la vue tu levais le voile. Qui voulait partager le rêve et toi. Souviens-toi du jour où le rêve est mort. Piégé dans la nuit, j'en rêve encore. J'ai vu l'avenir du monde dans ton regard. Je jure sur la tête de Robert Ménard. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Notre invitée Nathalie Seban, émission consacrée aujourd'hui aux Magdalen Sisters. Nathalie Seban, quel regard portez-vous sur cette affaire-là, celle qu'on a racontée aujourd'hui? Je trouve ça, ce qui pour moi est tragique, c'est que la justice ne sera jamais rendue à ces femmes. On leur rendra pas leur vie qu'on leur a volée, ça veut dire? Non seulement ça, mais les responsables, quel qu'il soit, à quelque niveau que ce soit, ne seront jamais traduits en justice. Donc ça restera une affaire très difficile, une histoire qui est difficile à écrire parce qu'on ne sait pas comment préserver la mémoire de cette histoire, parce qu'il ne faut absolument pas la perdre, non seulement pas la perdre, mais il faut l'enseigner, il faut que ça devienne un élément de l'histoire irlandaise. Mais ça, c'est une histoire qui est difficile à écrire justement parce que il n'y aura pas de justice qui sera rendue à ces femmes. Alors, il faut en parler. Vous le disiez, un réalisateur en a parlé, hein, Peter Mullan, pour son film Magdalena Sisters. Donc ça a permis à beaucoup de monde, beaucoup de gens, pas seulement des Irlandais, hein, mais des Européens, à travers le monde, des Américains, de découvrir cette histoire. Et à l'occasion de la sortie française de son film, il revenait sur le sujet. C'était sur France Inter le 4 février 2003. Oui, si le film a un sujet, c'est bien celui de la théocratie et de ses effets. Peu importe la religion, catholique, protestante, musulmane, juive, si une religion domine complètement une société, sans avoir en face d'elle un pouvoir démocratique élu qui la contrôle et agit comme un contre-pouvoir, si les religions ont tout le pouvoir, eh bien oui, je crois que ce type d'institution peut exister. Alors ça ne prend pas forcément, bien sûr, la forme de laverie contrôlée par l'Église. Mais d'une manière ou d'une autre, des femmes pourront être emprisonnées en toute illégalité. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est un phénomène qui n'a pas été exclusivement observé en Irlande, puisqu'on a eu de telles institutions à peu près dans tous les pays anglo-saxons où l'Église avait le même pouvoir. Vous avez des Magdalen Laundries en Australie, aux États-Unis, Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'on en a eu en France, alors qu'il n'est pas un pays anglo-saxon? Oui, ça a existé. C'était la congrégation du Bon Pasteur qui gérait ça. Mais évidemment, on n'a pas eu un régime madeléniste, comme je l'appelle, comme il y a pu y avoir en Irlande. Oui, une institution organisée, tout un système. Quoi. Oui, cautionnée par l'État et la société. Alors, on voit les dégâts que ça peut produire quand une religion prend le pouvoir, quelque part, et quelle que soit la religion. Il y a parfois une complicité de la population. Est-ce que ça a été le cas en Irlande? Parce que c'est une question centrale quand même, la complicité ou non de la population avec un régime de ce type-là. Quand vous avez une situation où où il y a collusion entre les institutions d'État et la religion, c'est très difficile pour la société, à savoir les individus, de ne pas adhérer, de gré ou de force, ouais, à ce système. Donc forcément, les gens qui n'avaient comme repère moral et même civique l'enseignement social catholique de l'Église, n'avaient pas d'autre choix que de suivre ça. En outre, il n'y avait aucune structure étatique qui permettait de prendre en charge ces femmes dans des situations de vulnérabilité. La contraception a été légalisée en Irlande en 1979, et encore dans des conditions très compliquées. Donc, une mère célibataire, on n'en voulait pas, c'était une honte pour la famille, pour le village, pour la société en général. Il y avait des endroits où on pouvait les enfermer, on les voyait plus, on ne les entendait plus. C'est les oubliettes, problème quoi. Réglé, mais complètement, problème réglé. Alors, les oubliettes, ça nous renvoie à des traditions de Moyen-Âge ou de dictature. Or, je rappelle que l'Irlande n'est pas une dictature, c'est une démocratie. Et la démocratie, qui normalement engendre les droits de l'homme, et pour le coup les droits de la femme, devrait être un rempart à ce genre de pratique. Pourquoi ça n'a pas été un rempart ? Que ça arrive en Irlande, c'est ça qui nous frappe aussi, dans un pays européen. L'Irlande a vraiment adhéré à l'esprit européen assez récemment, même s'ils ont rejoint la communauté européenne en 1973. Mmh. Et je pense que le fait que des instances européennes, voire même les Nations Unies, aient condamné l'Irlande à la fois pour les maltraitances institutionnelles et pour la pénalisation de l'avortement, a joué. Oui. À jouer, parce qu'il était temps que l'Irlande, si elle voulait entrer de plein pied dans la modernité et dans l'Europe et dans la mondialisation, s'aligne moralement sur le reste de l'Europe et du monde. Alors, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ça, c'est le lot de l'Église en Irlande. Enfin, pas tous les ecclésiastiques, bien sûr. Mais enfin, depuis le début des années 2000, l'Église irlandaise ne cesse d'être ébranlée par des scandales à répétition. On pense notamment à l'affaire dite des prêtres pédophiles. Le fait ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, on le retrouve. En mai 2009, après une enquête de 9 ans, le rapport Ryan, du nom du juge Sean Ryan, avait révélé que des centaines d'enfants avaient été victimes d'abus sexuels à partir des années 40 dans des institutions religieuses de tout le pays. On va écouter un reportage sur le sujet, diffusé sur France Inter le 15 février 2010. Les évêques irlandais sont à Rome depuis ce matin. Ils ont été convoqués par le pape Benoît XVI au Vatican pour évoquer un des plus gros scandales ayant secoué l'Église catholique, celui des prêtres pédophiles ayant abusé de centaines d'enfants pendant plusieurs décennies. Si dans l'Église le pardon existe, il est un peu difficile à évoquer dans le cas présent à Rome, Éric Valmire. Des actes exécrables. Le cardinal secrétaire d'État Burton donne la mesure de ces 48 heures d'entrevue. Avant de rencontrer un à un Benoît XVI, les 27 évêques irlandais ont écouté l'homélie de Tartisio Burton ce matin. Les épreuves qui viennent de l'intérieur de l'Église sont naturellement plus dures et plus humiliantes. Il faut redonner la foi, là où des prêtres couverts par leur hiérarchie se sont livrés pendant des dizaines d'années à des actes pédophiles. Une faute inqualifiable, confirme le pape Benoît XVI dans un discours prononcé ce week-end. L'Église doit porter l'amour dans les cœurs. Quelle est la réaction de la population irlandaise face à son église qui dévie ? Quand elle dévie ? Mais elle dévie souvent. Ouais, elle a souvent dévié. Je pense que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, quand ces rapports ont été publiés, ça a été, un choc terrible pour la population qui a pris conscience que cette église catholique à qui ils avaient fait confiance, à qui ils s'en étaient remis pour tout depuis des décennies, était capable de ce genre de choses. Alors, il faut faire la distinction entre la pédophilie au sein de l'Église catholique et les abus institutionnels. Alors, la pédophilie, c'était dans les villages, dans les paroisses, dans les églises, etc. Et puis, vous avez le rapport Ryan, ça c'est sur les abus institutionnels, c'est-à-dire les maltraitances psychologiques, physiques et sexuelles qui ont été commis au sein de ce qu'on appelait les industrial schools, qui appartenaient au même réseau que les Magdalene Laundries et les Mother and Baby Homes. Là, c'était une congrégation, les Christian Brothers, qui avaient la main sur ces institutions. On y mettait des enfants dont on disait qu'ils étaient orphelins ou tout simplement des gamins dont les parents ne pouvaient pas les gérer, qui séchaient l'école, enfin tout un tas de choses. Le même principe que pour les femmes, c'était des enfants qui gênaient, c'était et on les enfermait là-dedans, on les faisait travailler gratuitement. C'est l'esclavage. C'était de l'esclavage organisé. Et le degré de maltraitance, quand on lit ce rapport, est nauséabond. Épouvantable. Nathalie Sauban, Est-ce que c'est un sujet tabou aujourd'hui, les Magdalen Sisters en Irlande? Comment on en parle? On en parle. Justement, il y a plus grand chose qui est tabou aujourd'hui en Irlande. On parle. C'est ça la grande différence. C'est que tout le monde parle. Tout le monde raconte son histoire. Et plus on raconte, et plus les choses avancent. Merci infiniment, Nathalie Seban. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence. Vous y tenez, hein, maîtresse. Bon, voilà. Beaucoup. Maîtresse de conférence en civilisation britannique et études irlandaises. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Dès 2011, c'est une histoire qui m'a, comme beaucoup, intéressé dès l'après-midi de la découverte des corps. Mécanique du journalisme, collection de podcasts originaux de France Culture. 21 avril 2011, quintuple meurtre au sein d'une même famille. Le père, suspect numéro 1, toujours introuvable. Les journalistes Pierre Boisson, Maxime Chamou, Sylvain Gouverneur et Thibaut Ress font à Élise Carlin de récits minutieux de leur propre enquête. L'affaire Dupont de Ligonnès, une enquête sans fin sur franceculture.fr et l'appli Radio France.